Chapitre 10. Conclusion. La plupart des historiens renvoient à la nation française et au peuple la responsabilité ou l'honneur des hauts faits que nous venons de redire. Selon eux, le peuple a tout prévu, tout inspiré, tout dirigé, tout exécuté. Il a été l'âme, la tête et le bras de cette journée. Monsieur Louis Blanc est allé jusqu'à prétendre, en parlant des assaillants des Tuileries, qu'ils étaient le peuple, dans la plus large acception du mot. C'est là une abominable falsification de la vérité. Non, le peuple de France et le peuple de Paris lui-même n'ont jamais mérité de pareils outrages. À cette date, le peuple, dans son immense majorité, était encore royaliste, et il se révolta de toute l'énergie de sa conscience monarchique contre les indignités que l'émeute avait fait subir le 20 juin à la royauté. Dans les départements, la répulsion contre les fauteurs de cette journée fut unanime. À Paris, la protestation que Lavoisier, au nom de la section de l'Arsenal, vint lire à la barre de l'Assemblée, fut suivie de cette pétition des 20 000, qui excita au plus haut degré les fureurs des Jacobins. À dater de ce jour, la rage de ceux-ci ne connut plus de bornes. Ils dominèrent par la terreur les 48 sections parisiennes. Les citoyens honnêtes et paisibles, c'est-à-dire au moins les 3/4 des sectionnaires, cessèrent de prendre part aux réunions et laissèrent le champ libre à un petit nombre d'énergumènes. Ainsi, à l'Assemblée, les bons se cachent, les autres restent. Au 8 août, 680 membres prennent part au scrutin acquittant Lafayette, et une majorité monarchique considérable se manifeste. Le 10, on ne trouve plus, sur 749 membres, que 284 votants, et c'est une pareille minorité qui reconnaît la commune insurrectionnelle et décrète l'arrestation des anciens ministres, la nomination des nouveaux et la suspension du pouvoir exécutif. Les faubourgs eux-mêmes, qu'on eût pu croire acquis à l'insurrection sous la pression des clubs et des sections expurgées, n'étaient rien moins que disposés à battre en brèche le pouvoir royal. C'est en vain que depuis minuit le tocsin du 10 août avait multiplié ses appels. Il ne rendait pas, selon l'expression de Roederer, Paris restait calme. Presque indifférent. Les meneurs, attitrés, mirent un moment en question, avoue Louis Blanc, si l'on n'abandonnerait pas l'entreprise. À 5 heures du matin, un seul bataillon était rassemblé, celui des 15-20, commandé par Santerre. Et celui-ci, rempli de crainte, redoutait l'agression d'une portion considérable de la garde nationale. Il ne marcha que poussé par Westermann, qui lui mit l'épée sous la gorge. Sans la tourbe marseillaise, les faubourgs parisiens seraient demeurés paisibles, et de grands crimes eussent été épargnés à la France et au monde. Telle est l'histoire succincte des événements qui, au mois d'août 1792, ont précédé, accompagné et suivi la chute de la royauté française. Loin d'avoir rien exagéré, nous nous sommes efforcés d'atténuer l'horreur de certains faits que la pudeur de l'historien doit entourer d'ombre et de silence. Quant à ceux que nous avons reproduits, nous les avons puisés, non chez les écrivains royalistes ou révolutionnaires, mais aux sources mêmes de la vérité historique, dans des témoignages qui offrent tous les caractères de la certitude et défient toute contradiction, surtout dans les documents authentiques et les pièces inédites que M. Mortimer Ternot a si scrupuleusement rassemblés dans cette histoire de la terreur qui fait si bonne justice de la légende révolutionnaire. En ce qui concerne le 10 août, nous avons vu au début de ce travail ce que dit la légende. Résumons ce que dit l'histoire. Premièrement, la révolution du 10 août n'a pas été l'œuvre du peuple. Elle est le fait d'une minorité infime et abjecte, dirigée par un petit groupe de scélérats presque inconnus, qui préparent tout dans l'ombre et se cachent au moment de l'action. Deuxièmement, les Tuileries n'ont point été prises d'assaut par les bandes de Westermann et de Santerre. Elles n'ont point été enlevées de vive force, mais abandonnées par les Suisses sur l'ordre de Louis XVI avant l'arrivée des insurgés. Troisièmement, le chiffre des morts appartenant à l'armée de l'émeute n'a point été de 5 000, comme l'affirment les récits contemporains du 10 août, copiés par la plupart des historiens, ni même de 1500 comme le croyait Pétion. Les faubouriens et les fédérés réunis ont perdu 100 hommes et ont eu 60 blessés. Redisons-le avec tristesse, la journée du 10 août n'a pas été seulement la journée des bandits et des cannibales, elle a été la journée des lâches. C'est par la porte de la peur, plus encore que par celle de la férocité, que la République a fait son entrée dans notre histoire. De nos jours, les républicains de toute nuance célèbrent comme un anniversaire de gloire cette date à jamais néfaste. La République française et le rappellent, les pétroleurs et les politiques, Les enragés et les modérés sont d'accord quand il s'agit de brûler de l'encens sur l'autel du 10 août. Passe pour les pétroleurs. Les hommes de la commune de 1871 ne peuvent que glorifier l'œuvre de leur digne maire, la commune insurrectionnelle de 1792. C'est dans l'ordre. Mais à côté d'eux et avec eux, les doctrinaires de la République, les apologistes du fait accompli, les philosophes de la fatalité historique s'entendent pour représenter le 10 août comme à la journée nécessaire de la Révolution et comme une généreuse explosion du patriotisme populaire. On vient de voir ce qu'il faut penser de ces impudentes apologies. Non, mille fois non, la journée dont nous venons de rappeler les lugubres souvenirs n'a été ni une nécessité, ni un acte de patriotisme. Elle a été antinationale au premier chef. Elle a servi de point de départ à tous nos malheurs, à nos divisions, à nos haines, à nos décadences, à nos hontes actuelles. En brisant avec le passé, elle a en quelque sorte tari la source de notre grandeur, desséché la sève de notre race, arrêté la vie nationale et compromis notre avenir. En frappant la royauté, elle a décapité la France. Tel sera sur elle le dernier mot de l'histoire.